Chapitre 4. Un hardi coup de main. Le soir de mon arrivée dans cette ville, ayant à téléphoner, j'entrai au bureau de poste sur les 6h30. Il me fallut attendre assez longtemps la communication. Tandis que je rôdais dans la salle d'attente, furetant ça et là par habitude professionnelle, un bout de papier chiffonné qui traînait sur une table réservée au public attira mon attention. Un mot m'avait sauté aux yeux, Mareuil. Poussant plus loin mon indiscrétion, je lus « Sac, Maison Rouge, Mareuil. » Me convenu. J'avais entre les mains la moitié d'un télégramme que l'expéditeur avait froissé et déchiré, mécontent de sa première rédaction. L'autre moitié ne devait pas être loin. Effectivement, elle avait roulé sous la tablette où je la ramassais. Les deux morceaux, défripés et réunis, me fournirent le libellé complet suivant, XP080, Grossac, Maison Rouge, Mareuil, train 843, comme convenu, pas de signature. Sans le mot de Mareuil, rien d'anormal à coup sûr dans cette dépêche par laquelle un monsieur avertissait son correspondant qu'il prenait tel train, conformément à une convention antérieure. Mais Mareuil, comment oublier que c'était dans le voisinage de ce bourg, un marc en Mareuil, qu'avait été conduit l'architecte après son enlèvement. Qu'il y eût là une pure et simple coïncidence, comme c'était probable, n'importe, je ne pouvais négliger cette indication. Je voulus connaître le libellé définitif. Je demandai à parler au receveur qui, ma qualité déclinée, me communiqua le texte expédié. Ce second texte différait sensiblement du premier, le voici. 9h, amitié. Cette simplification, au premier abord insignifiante, me rendit rêveur. Ainsi, pourquoi le changement d'heure et pourquoi la substitution de amitié a comme convenu? La première rédaction, pourtant bien anodine, aurait-elle donc contenu quelques détails jugés compromettants? Alors, à quel titre? L'analyse comparative que je fis des deux versions m'amena aux déductions suivantes. Le destinataire, un monsieur Grossac, habitait une localité appelée la Maison Rouge, située à 1 ou 2 kilomètres de Mareuil. Le renseignement ressortait de la mention XP, express payé, et du tarif 0,80 francs, le premier kilomètre étant taxé 0,50 francs, et le second kilomètre, ou fraction de kilomètre, 0,30 francs. Voilà pour l'adresse. Si elle ne me révélait rien de bien particulier, il n'en était pas de même du corps du télégramme. Le train de 8h43, le livret de la compagnie de l'Ouest consulté, ne pouvait être que l'express partant de D à 8h43, dans la direction de Paris. Aucun autre train, pour aucune autre direction, ne figurant sur le livret à 9h ou aux environs de 9h. Cette heure désignée, évidemment, celle où l'express passerait à un point désigné. Je mets à dessein « passerait », car l'express de 8h43 franchit 60 km sans arrêt. Or, quel intérêt pouvait avoir ce voyageur à aviser de son simple passage sur la ligne son correspondant de Mareuil? Et enfin, encore une fois, pourquoi la substitution de ce mot banal « amitié » à cette mention précise, accusant une entente préalable, comme convenu? Dans l'hypothèse d'une intention criminelle, la modification s'expliquait par la volonté, chez l'expéditeur, de ne pas laisser derrière lui une indication de nature à éveiller à son encontre un soupçon et d'amorcer une enquête. Est-ce que par hasard, la bande se disposait à travailler, ce soir, sur la ligne, et ce document émanait-il de quelqu'un de ses affidés? En tout cas, je me promis de me renseigner sur le compte du destinataire de la dépêche, et comme pour l'instant je n'avais rien de mieux à faire, je décidai de prendre l'express de 8h43. Ce serait drôle, pensais-je, s'il s'y produisait quelques tentatives, moi présent. M'étant attardé au café avec un jeune sous-officier de ma connaissance, en garnison à D, j'arrivai à la gare 5 minutes avant le départ du train. Après avoir, sans affectation, rapidement exploré les premières classes, je mettais la main sur la poignée d'un compartiment de seconde occupé par un seul voyageur lorsque ce dernier me repoussa d'un mot sec « réservé » en me montrant d'un geste une bande collée en travers d'une des glaces. On donnait le signal du départ, je passais outre et me casais ailleurs. Son instinct, soit intuition, soit influence d'une idée fixe, ce voyageur inhospitalier ne me revenait pas du tout. Je croyais lui avoir vu un col d'Astrakhan. De plus, il me paraissait singulier que ce monsieur eût loué, pour lui seul et pour un trajet de médiocre durée, un compartiment de seconde classe, qu'un personnage assez fortuné pour ne pas regarder la dépense veuille s'assurer ses précieuses aises au prix d'un billet de 100 francs, rien de plus naturel. Mais alors ce personnage n'ira pas choisir de simples secondes pour écarter son importance. J'en étais à ce point de mes réflexions lorsque brusquement, sans avertissement préalable du mécanicien, le convoi ralentit sa marche et stoppa en pleine campagne. Le sang ne me fit qu'un tour. Vivement, je tirai ma montre. Elle marquait 9h05, parbleu. Le coup de main réglé par le télégramme de la soirée comme convenu. La bande mystérieuse opérait à mon nez et à ma barbe, par exemple. C'était trop fort. Je voulus me précipiter à la portière, mais encaqué entre deux quadrilles de joueurs à la manie qui avaient étalé des couvertures sur leurs genoux, quand je réussis à les bousculer pour me pencher au dehors, je n'aperçus, dans la nuit noire, que les employés courant éperdus avec des falots. Je sautai à terre et manquai de la cause de l'arrêt. Le chauffeur me répondit d'un ton bourru : les rails ont été graissés. Pas possible. Voyez-vous-même. À la lueur de sa lanterne promenée au ras du ballast, je pus me rendre compte que, effectivement, sur une assez grande longueur, les rails avaient été enduits de saindoux. Ils présentaient ainsi une surface lisse, onctueuse, destinée à empêcher l'adhérence des roues et à provoquer, après quelques minutes de patinage, un arrêt momentané du convoi. L'endroit avait été judicieusement choisi, à mi-montée d'une forte rampe. L'effet de la manœuvre était immanquable. Encore un beau travail à l'actif de la bande mystérieuse. Bien vite, je me dirigeais vers le compartiment loué. Par parenthèse, on devait reconnaître, le lendemain, qu'il n'y avait point eu de location effectuée et que le pseudo-locataire avait eu l'audace de coller tout bonnement lui-même, sur la glace, une bande du modèle officiel qu'il s'était procuré. Lui seul savait où. Il me suffit d'un coup d'œil pour m'assurer que mon homme avait disparu. Mais à quoi rimait cette comédie? Il n'eut pas loin à chercher. Le compartiment en question se trouvait contigu à celui réservé au convoyeur des postes, et le convoyeur gisait inanimé sur une banquette au milieu de ses sacs de dépêches éventrés. À mes appels, les employés accoururent et ce fut bientôt, d'un bout à l'autre du train, un brouhaha d'exclamations indignées ou apitoyées. Il se trouva là, par bonheur, un médecin pour donner les soins à la victime, laquelle était simplement endormie. Là-dessus, le conducteur ayant refermé les portières, le mécanicien remonta sur sa machine, rétablit l'adhérence des roues au moyen des tuyaux sablières, un coup de sifflet, et l'express reprit sa course à toute vapeur. J'avais excipé de ma qualité pour demeurer avec le préposé des postes et le docteur. Ce dernier avait été frappé, comme moi, de l'odeur caractéristique, rappelant celle du chloroforme, qui imprégnait à notre arrivée l'atmosphère du réduit et qui persistait, encore appréciable, après une ventilation énergique. Or, le fait que le corps du préposé ne décelait aucune trace de violence, écartant toute idée d'agression directe, un soupçon m'était venu quant au mode de procédé de l'auteur de l'attentat. Je connaissais les ressources d'imagination de la bande. Ce soupçon, je n'étais pas fâché de l'éclaircir sur le champ. Je dirigeais mes investigations du côté de la cloison de séparation. Mais dans une lanterne de poche qui ne me quitte jamais, j'explorais minutieusement, méthodiquement, de l'œil et du doigt, sans qu'un centimètre carré échappât à mon examen, la boiserie, d'abord au-dessus du capitonnage, puis sous la banquette, et là, enfin, mes recherches furent couronnées de succès. « Tenez, » dis-je, en m'adressant au docteur et lui montrant, éparpillé sur le plancher du wagon où elle formait un petit tas conique, des parcelles de sciure de bois que surmontait un tronc roux offrant un diamètre de 8 à 9 mm. « Vous avez devant vous l'explication du drame. Vraiment ? Oui. Et rien n'est plus aisé que de le reconstituer. L'opérateur a foré au moyen d'une vrille ce trou par lequel il a introduit l'extrémité d'un tube de caoutchouc communiquant avec un récipient rempli d'un gaz anesthésique puissant. Le réduit, une fois saturé, et le convoyeur endormi, notre homme s'est faufilé d'un compartiment dans l'autre par le marchepied à contrebois, ainsi que la teste, les deux portières trouvées ouvertes, et s'est employé à une fouille active parmi les sacs de dépêche, jusqu'au moment où le train a commencé à patiner et à ralentir. Alors, il a sauté à terre et rejoint, avec le produit de son vol, les graisseurs de rails, ses complices. Au docteur qui s'étonnait de la précision de mes recherches, je me gardais de faire part de mes observations antérieures, auxquelles revenait tout l'honneur du résultat. Même, ne tenant pas à me brûler inutilement auprès de la bande, je l'invitai à me garder le secret, et le lendemain, les journaux n'annoncèrent que ce que je voulus bien leur communiquer. Un inspecteur de la sûreté, qui se trouvait par hasard dans le train, avait pu procéder immédiatement aux premières constatations. La justice informait. Seul le chef fut avisé du résultat de ma campagne. L'enquête, ouverte par le parquet de D, amena, outre la découverte du truc de la formule collée sur la glace de son compartiment par le mystérieux voyageur, une déposition intéressante du commis du bureau de poste de service au guichet dans la journée du vol. Le commis se souvenait parfaitement avoir remarqué un monsieur très brun, à la chevelure abondante, portant moustache et favoris, et vêtu d'un pardessus à col d'astrakan, qui s'était tenu dans la salle d'attente pendant le coup de feu du courrier de Paris. Tout en feignant d'écrire sur la tablette réservée au public, il paraissait surveiller les guichets. Cela au point que le commis put s'imaginer avoir affaire à un inspecteur en tournée incognito, alors que simplement, dans le but que l'on devine, notre homme notait les chargements au passage. Tandis que se poursuivait l'instruction, je me rendis secrètement à l'endroit où s'était produit l'arrêt du train, sans mettre à peine le séparer d'un chemin carrossable. Or, au point où ce chemin se rapprochait le plus de la voie ferrée, je relevai sur la chaussée une large tache de pétrole. L'automobile de la bande avait donc stationné à cet endroit. Maintenant, j'avais barre sur mes gaillards, puisqu'ils jouaient devant moi à jeu ouvert, et qu'outre leurs divers signalements, je possédais le nom et l'adresse du destinataire de la fameuse dépêche, le sieur Grossac, et par lui, je tenais tous les autres. Dans l'après-midi même, j'étais à Mareuil, dont le maire me fournissait complaisamment sur son administré les renseignements suivants. « Monsieur Grossac, me déclara l'honorable magistrat municipal, n'est établi que depuis 7 ou 8 mois dans le pays, où avant sa venue, personne n'avait entendu parler de lui, et où du reste, il ne fait rien pour attirer sur lui l'attention. Tout au plus, a-t-il réclamé son inscription sur les listes électorales et voté aux dernières élections. Il passe pour riche et paye largement. Il a loué et habite une maison isolée, la Maison Rouge, située à près de 2 kilomètres du bourg, au milieu d'un bois qu'il a fait enclore de grillage. La Maison Rouge est elle-même entourée d'un parc ceint de murs et gardée par 2 dogues danois féroces. Il vit là, dans le tête-à-tête peu récréatif d'une vieille domestique à moitié idiote, la mère Dorothée, qui a la réputation de s'enivrer. Il ne fraye avec personne, non. Il a les goûts inhospitaliers d'un ours, et le physique aussi, du reste. C'est un gros bonhomme de 60 ans à l'air enfoigné avec ses grands cheveux qui s'étalent à même le collet de sa houppelande, sa barbe de patriarche et ses lunettes au vert teinté. Reçoit-il des visites? Son fils vient le voir assez souvent. Hein, il a un fils, fixé à Paris, je crois, jeune, dans les 18 ans. Le portrait du jeune Grossac tel qu'il me fut dépeint, un très joli garçon, fine moustache, coiffure à l'artiste, répondait exactement à celui du chauffeur silhouetté par l'architecte. Le père et le fils Grossac n'étaient autres que nos 2 compères du terminus. Je demandai si ces messieurs pratiquaient le sport de l'automobile. « Non, me fut-il répondu, mais ce doivent être des ferments de la pédale, car on ne les rencontre guère hors de chez eux que monter à bicyclette. » Parbleu, pensais-je, les bicyclettes servent à rallier l'automobile, qui, trop compromettante, est remisée à quelque distance de là. Ces coquins sont la prudence même. Je ne m'étonne plus qu'ils nous aient échappé si longtemps. Sur quoi, suffisamment édifié, je pris congé de monsieur le maire. Courir au parquet de D, me munir de 2 mandats d'amener, revenir dardard à Mareuil, fut l'affaire de la soirée. À la nuit tombante, je sonnai à la grille de la Maison Rouge après avoir donné l'ordre à mes gendarmes de se cacher dans les fourrés avoisinants. Je ne voulais pas, en démasquant prématurément leur présence, m'exposer à faire le siège de ce repaire de brigands. À mon coup de cloche répondirent d'abord des aboiements formidables. Les dogues danois accourus s'étaient précipités sur la grille et dressés contre les barreaux, l'œil ensanglanté, les crocs menaçants, la gueule bavante, grondaient à mon adresse de façon peu rassurante. L'accueil de ces féroces bêtes me permit de mesurer les difficultés de l'opération que je méditais. Évidemment, ça ne marcherait pas comme sur des roulettes. Mais au cours de ma carrière, j'en avais vu bien d'autres. J'attendais depuis 5 bonnes minutes et me disposais à sonner une seconde fois, lorsqu'enfin la gouvernante apparut au tournant d'un massif. Elle vint, clopin clopant jusqu'à la grille, et là, sans m'ouvrir, grogna, en me dévisageant avec méfiance, « Que voulez-vous ? » « Je suis chargé par M. le maire de Mareuil d'une pièce officielle pour M. Grossac. »« Une pièce ? Quoi ça ? Un papier ? Passez votre papier, je lui donnerai. »« Non, c'est entre ses mains seules que je dois m'en dessaisir. Mon maître n'est pas là. Quand pourrais-je le voir ?» Elle hésita, puis d'un ton maussade. « Il rentre qu'à la nuit. Revenez demain. »« Soit, demain. Bonjour, la mère. » La vieille me tourna le dos sans me répondre et reprit le chemin de la maison. « Diable, grommelai-je, avec ce cerbère en jupon et ses deux molosses, le gros sac est bien gardé. »« Alors, c'est pour demain ?»« Non pas. Si nous attendions à demain, nous trouverions l'oiseau envolé. Puisqu'il rentre cette nuit, c'est cette nuit même que nous lui mettrons la main au collet. »« Faudra donc du canon ?» objecta le brigadier. « Voyez donc. » La position offrait en effet des défenses sérieuses, et autour du parc craignait, sans la moindre solution de continuité, un mur de clôture haut de 7 à 8 mètres, quasi infranchissable avec son chaperon couronné de tessons de verre, et par surcroît d'un fil de fer agrémenté de ronces artificielles. Peu propice également aux tentatives d'escalade, la grille, massive, hérissée à son sommet de fer de lance et d'artichaut. Je parle pour mémoire des Danois, qui ne se fussent pas fait faute de dévorer les assaillants. Enfin, même en supposant la place forcée, il y avait de grandes chances pour que cette dépense de stratégie aboutît à un résultat négatif, car ladite place possédait quatre issues s'ouvrant aux quatre pans de l'enceinte. Le vieux renard savait son métier, pas de danger qu'il se laissât bêtement pincer au gîte. Aussi n'avais-je pas songé un instant à procéder à son arrestation chez lui. Trop de complications, sans compter celle de l'heure. Non. Mais voici le plan que j'avais rapidement échafaudé, en m'inspirant de la disposition des lieux. La seule voie accessible à bicyclette était une avenue, ou plutôt une large sente encaissée entre deux hauts talus et aboutissant à la grille après la traversée du bois. C'était donc par là que viendrait notre homme, forcément. Le plus simple était de le cueillir sur sa selle au passage. Mais nous avions affaire à un si rusé coquin, tellement retors et fécond en ressources, qu'avec lui, je n'estimais nulle précaution superflue. À mi-chemin de l'avenue, ayant choisi deux arbres qui se faisaient vis-à-vis, à l'un d'eux j'attachai une des extrémités de la solide cordelette dont je m'étais muni pour ligoter notre prisonnier, et j'enroulai l'autre extrémité autour du second arbre, celle-là sans la fixer à demeure, de façon que la cordelette dont je tenais le bout libre pût jouer aisément, c'est-à-dire, à la moindre traction, se tendre brusquement en travers du chemin, et le barrer à la hauteur du guidon de la bicyclette. Le gros sac devait infailliblement buter dans l'obstacle et rouler à terre, où le brigadier et moi lui épargnerions la peine de se relever. À tout hasard, j'avais posté les deux autres gendarmes à l'entrée de l'avenue, avec mission de fermer la retraite aux fugitifs, dans le cas où, par impossible, nous l'aurions laissé échapper. Tout cela était assez gentiment combiné. Le traquenard dressé, il ne nous restait plus qu'à attendre le bon plaisir de notre gibier. Donc, nous prenions l'affût, l'œil et l'oreille au guet. L'obscurité était complète, pas une clarté au ciel. Dans l'air, chargé d'une humidité glaciale, passait par intervalles des souffles prolongés qui secouaient de frissons les cimes dénudées, éveillaient, parmi l'émoi des brindilles et des feuilles mortes, des traînées de soupirs, comme des plaintes et des chuchotements d'âmes errantes sous le couvert. Dans le lourd silence des accalmies, on n'entendait que la rauque respiration des Danois qui, inquiets, le mufle collé à la grille, grondait sourdement dans notre direction, flairant un ennemi caché. Une heure, deux heures se passèrent dans cette énervante faction. Enfin, nous tressaillîmes. Là-bas, à l'orée du bois, un point lumineux venait d'apparaître, glissant, tel un farfadet de légende, au ras des talus. « Bon, » pensai-je, « il n'y a qu'une lanterne, Grossac est seul. » La lueur affranchit la passe gardée par les gendarmes. J'ai tendu et amarré solidement la cordelette. Enfermé entre les deux barrages, comme le poisson dans une nasse, l'homme est pris. Le point lumineux grossit. Grossit fantastiquement, cerné dans cette atmosphère saturée de vapeur, d'un halo trouble. Le voici arrivé à 50 mètres de l'obstacle. encore quelques secondes et, juste à ce moment, un éternuement éclate, formidable, partant du buisson derrière lequel est blotti le brigadier. Les chiens se mettent à aboyer avec fureur, et l'on devine le résultat de cette manifestation aussi malencontreuse qu'involontaire de mon collaborateur. Vivement, sans hésiter, sautant de selle en pleine marche, l'homme a retourné cap pour cap, réenfourché sa machine et s'est enfui à toute pédale sans réclamer son reste. Par bonheur, il a encore à compter avec nos sentinelles, et ma foi non, il n'a point déjoué leur vigilance, car nous entendons, à l'autre bout de l'avenue, un remue-ménage terrible. Hélas, quand le brigadier et moi, nous arrivons en courant sur le théâtre de la lutte, nous trouvons les deux infortunés agents de l'autorité gisant sur le sol, renversés de 2 mètres coup de poing. Le vieux drôle nous a décidément brûlé la politesse. Une lueur presque imperceptible, déjà, là-bas, file à travers la vaste plaine. Le coup est manqué, le diable soit des gendarmes et de son stupide éternuement. Tout de même, si le poisson s'est échappé de la nasse, il a laissé de ses écailles entre les mains de ses agresseurs. Ceux-ci, l'ayant saisi au bol, et suivant leur expression, crochet de leurs poignes solides, ont réussi à le dépouiller de sa houppelande, qu'il me présente comme un trophée. Vite, j'allume ma lanterne et j'examine le trophée. Stupeur. Renforcé d'un rembourrage copieux, qui dépassait 4 ou 5 centimètres dans sa plus faible épaisseur, cette houppelande, ainsi matelassée, permettait à un svelte adolescent de se donner la carrure avantageuse d'un 100 kilos. Ces trouvailles ouvraient un large champ aux hypothèses. J'étais encore plongé dans mes réflexions lorsque le brigadier me tendit avec respect 2 objets informes qu'il venait de ramasser à terre et dans lesquels, sans grand étonnement cette fois, je reconnus une barbe postiche et une perruque. Ces accessoires complétaient le travestissement. Mais le travestissement de qui ? Hé hé, pensais-je, papa Grossac, vous me paraissiez aussi bien leste pour votre âge et pour votre embonpoint. Ne seriez-vous donc une 3e incarnation de monsieur le comte de la Rochelure, baron de Beaufleury, seigneur de Maison Rouge et autres lieux ? C'était, ma foi, bien probable, et l'événement se chargea d'ailleurs de justifier mes soupçons. Le lendemain, une descente de justice à la Maison Rouge amenait, au cours d'une perquisition minutieuse, la découverte d'un vestiaire à rendre jaloux Fégoli lui-même. J'y retrouvais, sans trop d'étonnement, certains pardessus à col d'astracan, mais aussi, ce qui me rendit rêveur, 4 dossiers d'identité parfaitement en règle, à 4 noms différents, compris celui du sieur Grossac. Ce dernier trait parachevait la physionomie de notre chef de bande, décidément un coquin bien fécond en ressources et bien retors. Certes, la découverte ne manquait pas d'intérêt, mais la personne même de l'effronté imposteur ne m'en avait pas moins échappé. Mon homme courait encore, et tout était à recommencer sur nouveaux frais, avec un peu plus de difficulté que devant, puisque, se sachant démasqué, il allait redoubler de vigilance, et où le dénichait désormais, maudit gendarme. Enfin, sans me décourager, je me remis en campagne. Que le gredin ait gagné la première manche, soit, mais alors à moi la revanche.